Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Maillardville, le berceau de la francophonie en Colombie-Britannique. C'est ce que les pionniers ont insisté d'avoir dans leur contrat, quoi, quand ils sont venus, qu'ils pourraient avoir leur continuer, faire leur religion. Alors, l'usine a fourni tout le matériel pour bâtir la première église et puis la première école. Et puis, c'était très important. Les familles insistaient qu'ils puissent garder leur foi et leur langue. Bart Charpentier à l'émission De village en village en 1992, c'est en 1909 qu'un premier contingent de colons canadiens français du Québec et de l'Ontario débarque à Maillardville. Très rapidement, le village devient le foyer principal de la francophonie en Colombie-Britannique et au début du 20e siècle, il s'agit de la plus grande communauté francophone à l'ouest de Saint-Boniface. Maillardville est aujourd'hui devenu un quartier de la ville de Coquitlam, en banlieue de Vancouver. Et le train est parti de Québec le 22 au matin 1909. Le 22 au matin 1909, c'est envenu à Montréal, ramasser les gens de Sherbrooke, et puis arrivé à Ottawa vers 2h, 1h, nuit après minuit. C'était l'heure du temps, ça, quand il va à Ottawa. Alors là, tout le monde était à la station, les gens étaient là qui... Ils voulaient embarquer, puis j'avais des oncles qui voulaient embarquer avec nous autres. Puis les femmes sont mises à pleurer, tu t'en vas, puis on se reverra demain, puis pour longtemps. Ah ben, on vous verra plus, puis c'est loin, puis... Ah, ils disaient qu'on était pour venir faire toutes des protestants avec nous autres, puis ah, des affaires, des cancans. Même les religieux nous en parlaient. Ah, oh, vous allez vous anglifier, là, puis... Ah oui, c'était pas... Il ne voulait pas nous encourager de laisser le pays, hein? Nous autres, on savait que le père Obol nous avait expliqué qu'il y avait des églises ici, puis on pouvait pratiquer notre religion. Pareil comme ici, comme dans le Bas-Canada. Les témoignages de Jean-Baptiste Dicker et René Hamelin à l'émission « Gens de mon pays » en 1979. Pour nous raconter l'histoire de Maillardville, je reçois l'historien Maurice Guibord, qui est directeur général de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. Maurice Guibord, bonjour. Bonjour. Alors, que représente Maillardville, M. Guibord, pour la communauté francophone de Colombie-Britannique? Pour les francophones, c'est vraiment le pied à terre, n'est-ce pas? C'était le moment où il y a eu cette entrée importante de francophones, tellement que ça a entraîné justement l'établissement d'une communauté. Auparavant, donc depuis le début des années 1800, on avait vu arriver les voyageurs, les gens qui travaillaient avec la traite de fourrure, mais pour un endroit particulier, même pour les anglophones britanno-colombiens, quand on mentionne la francophonie en Colombie-Britannique, chacun dit, et c'est tous, hein, ils disent « Oh yes, Maillardville », mal prononcé, mais au moins ils le savent. Donc c'était un lieu où finalement une langue, à ce moment-là, la religion était très importante, une culture s'est installée dans le Grand Vancouver et qui perdure jusqu'à nos jours. Oui, donc première présence francophone durable, première vie francophone organisée, parce qu'avant ça, vous l'avez un peu évoqué, mais il y a à peu près rien. Il y a quelques agriculteurs, quelques voyageurs qui parlent français, mais pas de réelle présence francophone avant Maillardville, en Colombie-Britannique. Il faut dire que jusqu'à la première ruée vers l'or, qui était 1858, des Européens qui travaillaient, qui vivaient dans ce qui deviendrait la Colombie-Britannique, plus de 60 % étaient des Canadiens français. Ah bon? D'accord? On ne parle pas de dizaines de milliers de personnes, mais quand même, la langue de travail dans ce qui deviendrait la province, c'était le français, du simple fait que la grande majorité des travailleurs dans l'industrie de la fourrure étaient des francophones. Donc, la langue de la traite était le français. Et donc, ces mêmes gens-là, dont un bon nombre d'entre eux se sont mariés avec des femmes autochtones et qui ont donné naissance à des générations de métis, mais qui ne portaient pas ce nom-là à ce moment-là. Certains, maintenant leur français, bon nombre ne le maintenant pas, étaient quand même éparpillés partout dans la province. Ouais. Il y a eu quelques petits noyaux francophones, mais qui se sont assimilés très, très rapidement. Mais c'est finalement avec l'arrivée de ces 450 Canadiens français du Québec et de l'Ontario qu'on a vu s'établir une communauté importante. Et cette communauté, et l'histoire de cette communauté, elle est intimement liée au développement de l'industrie forestière. On écoute à ce propos un extrait de l'émission « De village en village » diffusée en 1992. Vous allez y entendre le journaliste Ronald Lavallée qui interviewe René Gamache. Tout commence par le Fraser. Depuis 10 000 ans, ces eaux limoneuses charrient la poussière des Rocheuses jusqu'au Pacifique. Depuis 100 ans, le fleuve porte du bois et des bûcherons. M. Gamache, à quelle heure vous commencez à travailler ici sur les baies? On commençait, ça dépendait de la marée. Si la marée était à 1 heure du matin, bon, il fallait être ici avant une demi-heure avant la marée. Là, on s'habillait pour, et puis on montait ici, et puis là, on descendait toutes les baies avec la marée qui descend. On emplissait toutes ces vides ici qu'il y a là, là. On emplissait tout ça de là pour durer tout un chiffre de 10 heures dans le moulin. Et puis, comme de raison, en hiver, quand il neigeait, ou bien donc il y avait un petit peu de glace, ça arrive pas souvent, mais ça arrivait. Ben là, il fallait user de la dynamite. Et puis là, ben là, on usait la moitié d'un bâton de dynamite. Et puis on mettait entre les deux billes, on faisait un trou, puis là, ça éclatait. Malheureusement, des fois, vous savez, ça nous frappait un peu, on tombait à l'eau. Écoutez, dans ce temps-là, on était dans l'eau pour la prochaine moitié du temps. On changeait vite, on retournait encore à l'ouvrage. Et c'était pas trop drôle l'hiver. Mais en été, c'était un paradis pour nous autres. L'histoire de Maillardville est donc, on vient de l'entendre à nouveau, intimement liée au développement de l'industrie forestière et à une scierie en particulier, une scierie qui, au tournant des années 1910, va être la plus importante scierie de l'Empire britannique. Racontez-nous, Maurice Guibord, l'histoire de cette scierie-là. Et c'est en 1889 que Frank Ross et James McLaren ont construit la première scierie, donc, à cet endroit-là, sur le fleuve Fraser, et qui deviendra, en 1891, Millside. Il faut dire qu'il y avait quand même déjà un village de construit, des maisonnettes identiques, juste à côté de la scierie, donc à côté de la scierie, Millside, voilà le nom. Et tout comme ailleurs, la foresterie a eu ses hauts et ses bas, tellement que cette scierie-là a dû fermer ses portes et a réouvert donc en 1907 du nom de la Fraser Mills. Et c'est un conglomérat américo-britannique qui, eux, ont décidé donc à compter de ce moment-là, ils ne voulaient plus embaucher d'Asiatiques. Donc il y avait quand même une forte proportion des employés qui étaient japonais, d'autres chinois, d'autres ce qu'on disait hindous, donc des sikhs, mais aussi quand même un certain nombre de Canadiens français qui y étaient déjà. En 1907, en plus, ce conglomérat s'est rendu compte de l'important rôle qu'elle avait joué dans la foresterie autour du monde et qu'elle était appelée à devenir la plus grosse scierie de l'Empire britannique, ce qu'elle est devenue. Mais pour ce faire, quand même, elle avait besoin d'une main-d'œuvre bien formée. Donc, besoin de main-d'œuvre important. Et en 1909, donc, la direction de la scierie Fraser Mills décide de recruter de la main-d'œuvre francophone au Québec et en Ontario. Pourquoi ce choix-là, Maurice Guibord? Il y avait, comme je disais, certains employés francophones, canadiens-français, déjà à la Fraser Mills, dont Théodore Théroux, qui, lui, a signalé, messieurs les patrons, vous voulez des employés bien formés, vous en avez besoin. Et ça, ça donne qu'au Québec, à ce moment-là, il y avait eu une chute un peu dans l'industrie. Il a dit, c'est le moment ou jamais d'aller recruter. Donc, on a envoyé le père William O'Boyle et Théodore Théroux pour aller recruter. Et voilà le coup que la Fraser Mills a su jouer, bien jouer, c'était de recruter non seulement des employés, mais leur famille entière. On leur promettait deux fois le salaire qu'ils recevaient là-bas. On leur offrait des hypothèques à très, très bon marché pour y construire leur maison. Et en plus, tout le bois gratuit pour construire leur maison, leur école, leur église, leur couvent. Et des années de travail. Donc, on s'assurait d'une part de cette main-d'œuvre bien formée, mais en même temps de générations de travailleurs qui seraient déjà installés autour de la boutique et qui ne quitteraient pas. Donc, très bien réussi. Oui, donc vraiment une vision à long terme. On attire des travailleurs et leurs familles. On l'entendait au tout début de l'émission, dans un des extraits qu'on a présenté, mais pour les attirer, puis vous l'évoquez vous-même, Maurice Guibord, cette assurance aussi pour ces travailleurs francophones du Québec et de l'Ontario qui auraient une vie francophone, qu'ils pourraient pratiquer leur religion, la religion catholique, et continuer de parler leur langue. C'est ça l'idée, leur donner une communauté et puis profiter de cette main-d'œuvre qui va se renouveler, comme vous le disiez, avec les enfants qui vont naître de ses parents qui s'installent à Maillardville. Vous l'avez un peu évoqué, mais quand même, avec le recul, ça paraît, mais c'est l'époque, une réaction, un racisme ouvert et ouvertement affiché par rapport à une main-d'œuvre asiatique dont on ne veut plus. C'est exact, mais ça, c'était tout à fait en parallèle avec les politiques d'immigration du fédéral et du provincial en Colombie-Britannique aussi. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans. C'est intéressant quand même de voir que même à travers cette période-là, on a quand même gardé la plupart des employés asiatiques, mais c'était dans ce cas-là les hommes seulement, et ils étaient logés sur le site et aussi dans des immeubles à chambres multiples, mais chacun dans sa cabane, si vous voulez, n'est-ce pas? Donc, et en même temps, on assurait donc un travail bien géré de chacun de ces groupes-là en créant des équipes de chacune de ces communautés-là qui, en plus, étaient chapeautées par des superviseurs de leur propre communauté. Donc, au moins, il y avait cela. Ouais. Les Canadiens français, eux, étaient plus ou moins intégrés, donc c'est pas comme s'ils y étaient séparés. Mais à l'arrivée des premiers colons en 1909 et 10, donc tout de suite, on a vu vraiment un épanouissement très impressionnant de la force ouvrière des Canadiens français dans ce domaine-là. Et il y a deux contingents donc qui arrivent. Effectivement, un premier en 1909, un deuxième en 1910. Vous avez évoqué le nombre de 450, je pense, il y a quelques minutes. Qui sont ces gens? Qui sont ces travailleurs? Et d'où viennent-ils précisément? Donc, on envoie M. Théroux et le père O'Boyle à trois endroits en particulier pour recruter. Et c'était des lieux où la foresterie, l'industrie du bois était capitale dans l'industrie locale. Donc ça, c'était à Hull, qui est aujourd'hui Gatineau, à Sherbrooke et du côté ontarien à Rockland, à peu près à une heure d'Ottawa. Et c'est ça. Donc, on allait recueillir des gens qui, eux, étaient sans emploi à ce moment-là. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait un intérêt accru du fait qu'on invitait des familles entières et en plus des regroupements parmi ces familles-là. Donc, c'était l'occasion à ne pas manquer pour bon nombre d'entre eux. Oui, ils se rendaient compte que ça serait peut-être peu souvent qu'ils retourneraient voir les leurs. Mais de partir ensemble dans deux trains qui étaient préparés pour eux, donc le premier en 1909, le deuxième en 1910, déjà ça augurait bien pour le fait que les services qu'ils espéraient, le style de vie qu'ils espéraient revoir là-bas, ça serait plus ou moins assuré. Oui. Le nom de Maillardville, pourquoi Maillardville? On écoute à ce propos les explications que donne Jean-Baptiste Dicker à Jacques Baudry à l'émission Reflet d'un pays en 1978. Vous savez, un temps, ce n'était pas Maillardville, c'était Frenchtown. Mais on l'a vu à une assemblée appelée, qu'on a vu le ministère des Postes, M. Pelletier, qui est venu nous donner notre nom. Il y avait une assemblée, puis nous a donné le nom de Maillardville. Ça a été prononcé par M. Garon, le père Garon, d'appeler ça Maillard. Alors, moi, je viens d'une place qu'on appelle Wrightville, Tétroville, puis Sirville. J'ai dit, si on nomme Maillardville, est-ce que ça ne serait pas plus beau? Ah, oh, on l'accepte. Alors, ils ont tout accepté d'appeler Maillardville. Moi, j'ai mis Maillardville sur le bout de Maillard. Ça vient d'où, Maillard? C'est Maillard. Oui, mais Maillard, qui est-ce qui s'appelait comme ça, Maillard? C'était un curé. Ah, un curé. Le petit un premier des premiers curés, curé, oui. Il n'est pas resté ici. Celui, il n'était pas le colonisateur. Le colonisateur, c'est le père Aubert qui est venu nous chercher. Donc, Maillardville, qui tire son nom du père Maillard. Parlons un petit peu de l'importance qu'il va avoir, Maurice Guibord, le père Maillard, dans le développement de cette communauté de Maillardville. Il y a aussi la figure, deux fois depuis le début de l'émission, on a parlé du père O'Boyle, mais parlez-moi du début de Maillardville et du rôle que va y jouer le père Maillard, justement. Si on peut s'imaginer donc une montagne quand même assez à pic, une colline, disons une grosse colline, au-dessus de cette plaine fluviale où s'est installée la Syrie et Millside, c'est là qu'ont été construites les maisons par les ouvriers. Donc Maillardville, c'était très, très à pic, et en plein sommet justement de la communauté, on avait la première église qui est construite dès 1909, Notre-Dame de Lourdes. Et le père O'Boyle y était déjà. Il pourvoyait aux besoins des catholiques anglophones, mais le père Edmond Maillard, qui lui était de Marseille, y était, et un père au blas, et c'est lui qui a été le premier curé, en fait, de la paroisse. C'est vrai qu'il n'est resté que 3 ans, parce qu'il a été assigné à une autre région par la suite, mais reste qu'il a... Il a établi des liens tellement étroits avec les gens, avec les Canadiens français qui arrivaient, que finalement, pour eux, c'était tout à fait normal que leur village porte le nom de leur curé qu'ils adoraient, oui. N'est-ce pas? Il y a eu, donc, quelques décennies plus tard, Notre-Dame de Lourdes s'était plaint. On a créé une nouvelle paroisse, Notre-Dame de Fatima. Et les deux églises avaient une école attenante. Oui. Des religieuses canadiennes françaises, donc des sœurs de l'Enfant Jésus, des sœurs de Sainte-Croix, qui venaient y enseigner. Pour la plupart des francophones, mais qui devaient enseigner encore pour la grande majorité de la journée en anglais, parce que suivant les normes imposées par la province. Alors cette vie française, entre autres, qui existe à Maillardville, ça va faire qu'à partir des années 30, il y a des francophones d'ailleurs dans les prairies qui vont être attirés, qui vont se mettre à déménager à Maillardville. L'âge d'or de Maillardville, M. Guibord, ça correspond à quelle période à peu près? Je dirais qu'il y en a à peu près 3. Donc, la première décennie de l'arrivée, c'est là vraiment où ça se concrétise, n'est-ce pas, cette communauté-là. Non seulement les maisons, l'église, les écoles, mais même les commerces, d'accord, commencent à apparaître le long de la Pitt River Road, qui est la rue Brunette aujourd'hui. Mais finalement, on voit durant les années 30, donc période très difficile pour les gens dans les prairies, en particulier en Saskatchewan et au Manitoba, on voit arriver une nouvelle vague d'immigrants s'installer à Maillardville. Et ce sont des francophones qui choisissent justement Maillardville parce que souvent, c'est de la parenté qui s'y est installée, mm-hmm. D'accord? Où on envoie mon oncle pour aller tâter le terrain, et voilà, c'est établi, on est bienvenu ici, et on peut vivre notre culture. On voit aussi même durant les années 60-70 une autre vague des prairies, encore une fois, mais en même temps, c'est la période où on voit une certaine anglicisation de la communauté. Oui. Donc, où davantage d'anglophones s'y installent, et on perçoit donc que la langue francophone n'est plus si bienvenue et vraiment, carrément, est moins parlée, même dans la rue. Oui. C'est là qu'on commence à voir un peu les problèmes d'intégration de la communauté francophone à Maillardville. Oui. On reviendra dans une minute ou deux à ce qui reste de cette vie francophone à Maillardville, mais un petit détour avant d'arriver là, parce qu'on ne peut pas faire l'histoire de Maillardville sans parler de deux grèves. C'est une ville industrielle, donc deux grèves importantes. Une première qui survient en 31, qui va durer presque 3 mois, et une deuxième qui arrive en 51. Parlez-nous de ces deux grèves-là, Maurice Guibord. 1931, encore, on est dans la dépression. Donc, finalement, même si on avait promis 50 ans de travail aux Canadiens qui arrivaient, on n'avait pas promis de maintenir le salaire. Donc, après 3-4 même diminutions de salaire consécutives, la grève est déclenchée à Maillardville, en grande partie par des organisateurs canadiens-français. C'était une première du fait que les ouvriers s'étaient joints à un syndicat américain en foresterie. Et finalement, ça a été ressenti beaucoup à travers le pays parce que là, on observait cette grève comme peut-être un exemple de ce qui pourrait peut-être se présenter ailleurs. Oui. Cependant, comme il arrive souvent dans bon nombre de grèves, les ouvriers n'ont presque rien gagné. Le travail a repris petit à petit. Mais finalement, les ouvriers tels et les organisateurs tels Jean-Baptiste Dodicaire, qu'on vient d'entendre parler, oui, ont été mis sur une liste noire et n'ont pas pu réintégrer le travail dans leur domaine. Et puis 51, là on revient à l'aspect plus francophone, une grève scolaire qui va durer un an. Exactement, du jamais vu. Donc, on avait plus de 800 jeunes dans les écoles francophones séparées, si vous voulez, catholiques, à Maillardville. Et les parents de ces élèves-là, eux autres se voyaient non seulement devoir payer les autobus, les manuels de leurs enfants, mais en plus, ils devaient payer les taxes scolaires imposées par la province, mais qui, elles, allaient plutôt aux écoles anglophones. Oui. Pas du tout aux écoles francophones. Donc, après plusieurs tentatives pour régler cette situation-là, qui l'ont mené à rien, les 840 élèves ont été assemblés devant leurs écoles à Notre-Dame-de-Fatima et de Lourdes et paradés en rang jusqu'aux écoles anglophones les plus près et ont été abandonnés aux soins des écoles anglophones. Donc, c'est un genre de grève scolaire qui a duré près d'un an. Et finalement, on n'y a rien gagné. On a reçu quelques manuels gratuitement. Rien n'a changé au niveau de la taxe scolaire ni des autobus. Et même les sœurs de l'Enfant Jésus qui enseignaient toujours à Lourdes ont dû quitter leurs emplois pour que les postes soient pris par des laïcs. Donc, ça a été une période très difficile. Au moins, des catholiques partout au pays ont envoyé de l'argent pour appuyer cette grève qui était complètement hors de l'ordinaire pour l'époque. Oui. Le temps file rapidement. En quelques mots, Maurice Guibord, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet héritage francophone de Maillardville? La plupart des francophones sont aujourd'hui dans des foyers pour aînés. Cependant, il reste toujours les paroisses où quand même une messe par semaine, moitié français, moitié anglais, peut être présentée. La société francophone de Maillardville présente toujours des activités pour les francophones et les francophiles. Mais il faut dire que le plus grand festival francophone de la province est le Festival du bois, est présenté au printemps devant au moins 15 000 personnes chaque année, dont la moitié sont des anglophones. Donc, finalement, on arrive quand même à créer fort la culture francophone dans ce qui demeure le berceau de notre communauté en Colombie-Britannique. Maurice Guibord, historien, directeur général de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, M. Guibord. De même, merci de cette occasion. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.